Son premier disque dans un registre très folk acoustique, un peu comme ça, mais en beaucoup beaucoup mieux. Et avec un grand album de rupture, il a été s'enfermer dans une cabane au fond des bois. Et voilà, il a parlé de son histoire d'amour fini. L'album s'appelle For Emma, For Evargo, c'est vraiment un grand grand disque. Et je vous conseille de l'emprunter, je crois que Patrice est parti le chercher, voilà, il est sur une table. Et voilà, donc je vais vous chanter un morceau de ce disque-là qui s'appelle Flume. Et voilà, allez découvrir Bon Iver, et après aussi il a fait des choses un peu plus variées avec de l'électronique. Un mec qui a bossé Kanye West, un super rappeur américain, enfin, quelqu'un qui a l'esprit très ouvert.